Bonjour à toutes et à tous, il est 10h et vous êtes en direct de Radio Gemozo. Bienvenue dans Les Oreilles du Monde, l'émission proposée par les mondes de l'Utopie. Rebonjour à toutes et à tous, je suis bien contente de vous retrouver après ces 2 mois de confinement. Et pour reprendre l'activité, aujourd'hui avec moi il y a Camille, Flo et Mounir. Salut Nanou. Bonjour à tous. Salut Aloha. Tout le monde. Comment ça va? Eh bien bien, on sort de notre confinement. Voilà, on ressort de notre tanière. On revient proposer notre émission Les Oreilles du Monde après 3-4 mois d'arrêt. Voilà, on va faire de notre mieux. Et un petit nouveau aujourd'hui, Mounir. C'est ça, bien le bonjour à toutes et à tous. Donc Mounir qui est aussi actif dans l'association Les Mondes de l'Utopie tout et qui fait. A décidé de venir, quand il serait disponible, nous donner un petit coup de main à la radio et nous proposer aujourd'hui de belles découvertes musicales. Exactement. Super, super. Alors, je vous propose au programme d'aujourd'hui, nous allons commencer par des nouvelles de l'association avec les futurs événements 2020. Et ensuite, nous passerons à des découvertes musicales. Donc, il y aura les miennes, celles de Camille, celles de Flo et celles de Mounir. Voilà, voilà. C'est parti. Alors, des nouvelles de l'asso, Camille? Eh ben, des nouvelles de l'asso, elle se porte bien. Elle a stagné, quoi, hein, pendant ces quelques mois, comme tout le monde. Donc on a dû annuler 2 événements, mais bon, voilà, hein, c'est le jeu. Et puis, du coup, il y en a d'autres qui arrivent, hein, donc pas de panique. Du coup, le confinement a été quand même constructif, parce qu'il y a eu des événements qui sont nés. On avait déjà prévu de faire des guinguettes, mais du coup, on en a programmé une de plus, quoi. Ok. Pour pallier un petit peu aux 2 événements... Oui, le confinement était constructif puisqu'on était en manque de radio, donc on a fait la radio déconfinée à Rochesson. Ah oui, c'est vrai. Ah ben voilà, super. Et du coup, c'était une super initiative avec la proposition de lire des textes le soir à 20h en même temps que les applaudissements des blouses blanches. Et on a passé des musiques dans le village, donc c'était intéressant et socialement très sympa. Eh, mais les habitants de Rochesson ont vraiment de la chance, hein. Bon, des événements, une radio. Fois, c'était les vendredis, et puis bon, bah, comme on avait une enceinte, je suis pas sûre qu'il y ait tout le village, c'est sûr qu'il n'y a pas entendu, mais en tout cas, il y avait un petit peu de public, quoi. Donc, non, c'était sympa, ouais. C'était une belle initiative. Chouette. Quelqu'un a autre chose à dire? Eh ben. Eh ben non, on va se retrouver là. Bon, c'est un peu long, on s'est pas vu depuis le 22 février, concert d'hiver. Donc on a annulé le repas concert, on a annulé le gros marché Cultivons nos passions. Et là maintenant, on a décidé de se retrouver cet été avec 3 dates dont enfin c'est surtout les vendredis soirs. Nanou, tu vas peut-être raconter un peu qu'est-ce qui va se passer, quand est-ce que c'est, comment ça se passe? Avec plaisir, Flo. Donc 3 guinguettes de programmées cet été avec l'asso Les Mondes d'Utopie. Première guinguette le vendredi 24 juillet. Donc avec un marché nocturne, Camille nous en parlera un petit peu plus tout à l'heure. Donc à partir de 16h, apéro-concert avec une assiette barbecue, burger, frites et les légumes qu'il y aura disponibles, en gros, à 10€. La réservation est conseillée pour les repas. Et avec en concert, Muriel Dailleur qui viendra embaumer l'air de son répertoire swingé et de sa magnifique voix jazzy. Voilà, il a possibilité de camper sur place. Alors camper où? Bah alors ça, c'est à rediscuter. On va pas trop se prononcer trop vite. D'accord. Vu qu'il y a eu changement de mairie à Rochesson, on va revoir les nouvelles autorisations avec la nouvelle mairie. Il faut refaire la demande, donc on verra ce qu'ils disent. Et puis donc on vous tiendra au, oui. on tiendra au courant les auditeurs oui. via Facebook bah, et on via espère le site. Avoir le parking de l'ancienne usine de textile et pourquoi pas d'y camper sur place, mais rien n'est défini pour le moment à voir les autorisations. Ok, ok. Camille, donc ça, je ne sais pas si tu as bien dit la date. Le vendredi 24 juillet à partir de 16h. Okay. C'est ça. Sur la place Marcel Perrin à Rochesson. C'est ça. Camille, tu peux nous en dire un peu plus pour les marchés nocturnes, s'il est complet déjà, s'il y a des personnes qui veulent... Bah, c'est quasiment complet. En fait, là, j'attends encore quelques retours. Donc, c'est pas mal d'artisans, de producteurs locaux, hein, de toute façon. Et donc, là, pour l'instant, on a à peu près 5-6 artisans, 5-6 producteurs et quelques associations. Donc voilà, ça va être assez diversifié. Hein. Donc moi, je m'arrange toujours pour qu'il n'y ait pas vraiment de doublons, quoi. Donc il y aura un céramiste, il y aura des savons, il y aura du cuir, il y aura du bois, il y aura un producteur de légumes. Ouais, après en producteur, il y a légumes, il y a du café, il y a du miel, il y a de la viande de bison. Enfin voilà, il y aura pas mal, je pense que j'en oublie, hein, excusez-moi, mais bon, de toute façon, on en reparlera à l'émission de juillet, j'aurai la liste intégrale et définitive. Ouais. Et est-ce qu'on connaît déjà le nombre de places pour les repas ? Oui, on fait 100 assiettes. Alors, 100 assiettes barbecue, burger, frites et salades à réserver. Oui, voilà, ouais. À réserver. Donc je pense qu'on part sur une jauge de 100 personnes assis, enfin qui peuvent manger sur place assis à l'assiette. Après, on aura une marge de sandwich à emporter, à voir sur place. Est-ce qu'il y aura Chacha qui sera là aussi avec le food truck ? Donc il y aura, voilà, si les 100 repas sont réservés, il y aura quand même à manger. Pour ceux qui viennent d'écouter le concert. Oui, est-ce qu'on peut faire un petit big up à Chacha ? Il y a la glaneuse des saveurs que. Si vous ne connaissez pas encore, c'est un food truck de produits locaux et zéro déchet qui se promène dans les Hauts-de-Vosges. Et en fait, le vendredi soir, Charlotte, elle est sur... Enfin, la glaneuse des saveurs, elle est sur Rochesson. Et vu que les guinguettes auront lieu à Rochesson le vendredi soir, l'association proposera 100 repas. Et la glaneuse des saveurs proposera ses repas, une trentaine de repas, comme d'habitude, à Rochesson. Ouais, ça sera diversifié, cool. Ouais, donc pour rassurer les auditeurs, à savoir que la place Marcel Perrin est grande, donc on tiendra largement avec le maître de distanciation physique. Oui, voilà. Nous entrons d'ailleurs dans la troisième phase de déconfinement le 22 juin, donc on ne sait pas exactement encore ce qui nous attend jusqu'au 10 juillet. Mais en même temps, à partir du 10 juillet, on devrait être complètement sorti de l'état d'urgence sanitaire. Donc à voir qu'est-ce que ça dit. Ils en parlent. Et de toute manière, on avait décidé aussi de prendre moins d'artisans et puis de justement faire que 100 repas, histoire que si jamais il y avait encore des restrictions, qu'on puisse avoir de l'espace. Quoi. Voilà. Bon. Dans tous les cas, il y aura de l'espace et on pourra être nombreux et ça va être chouette. Oui. Cette première guinguette de déconfinement. La deuxième guinguette, quelqu'un a quelque chose à rajouter pour la première ? Non, c'est... Venez nombreux. La deuxième guinguette, donc, c'est un événement qui aura lieu vendredi 7 août et samedi 8 août, avec au programme des deux journées des ateliers de yoga, de percussion corporelle, de danse et de clown. Tout ça à prix libre. Donc, pareil, c'est réservation conseillée. Hein. Assiette barbecue, midi et soir. Non, uniquement le soir. Uniquement le soir. Et donc le midi, qu'est-ce qu'on mange ? On mange rien. On jeûne. C'est bien de jeûner aussi. À savoir que le collectif d'artistes, c'est un collectif d'artistes itinérants qui vient proposer les ateliers. Du coup, ils sont de passage 3 jours sur Rochesson. Ils proposent 2 journées entières d'ateliers sur la place du village, accessible à tous. Mais le repas n'est pas prévu le midi, puisque les ateliers, c'est en matinée ou l'après-midi. On ne propose pas une formule atelier plus repas plus concert plus... Ouais, ça ferait trop de gestion. En fait, c'est plutôt libre. Encore une fois, on en reparlera plus amplement au mois de juillet. Là, c'est simplement pour vous énumérer nos événements. Donc, le soir, le vendredi soir, il y aura un spectacle de cirque avec après le concert du... Ah, il n'y aura pas de spectacle de cirque le vendredi soir. Ce sera quoi ? C'est quoi là ? Je sais plus la programmation. Bah alors, mais c'est ce que j'ai vu sur. Ok, d'accord. Bon, ouais, c'est ce que j'ai vu sur nos événements en fait. D'accord. Donc, un concert aussi ? Ben si. Donc sur nos événements, il y a d'indiquer que le vendredi soir, il y aura un spectacle de cirque d'une demi-heure avec après un concert du collectif musical La Pêche qui célèbre les musiques populaires de l'Est. Donc ça va être super chouette. Bah, La Pêche, c'est pas samedi ? Non, c'est vendredi. Ah ouais, d'accord. Et le samedi, du coup, c'est le collectif. Passons d'accord, au samedi soir. On y va. Donc, après tous les ateliers de la journée à prix libre, le samedi soir, on commencera à 18h avec un conte pour petits et grands. Et ensuite, il y aura un concert du collectif 30 minutes. Et ensuite, un bœuf musical. Donc ça veut dire qu'on rapporte tous nos instruments et qu'on joue tous ensemble. Ça et que ça va être super génial. Voilà. Donc, je répète. Réservation conseillée pour les ateliers et les repas. On aura l'occasion de vous le redire le mois prochain. Oui, puis on va avoir bientôt là, les fly et les affiches qui vont arriver. Donc il y aura tous les renseignements. On en distribuera un peu partout. Là. Il y aura de la communication. Ouais. Et la troisième guinguette de cet été, ça sera le vendredi 14 août. Donc guinguette et un marché nocturne de producteurs. Eh ben, il y aura quelques producteurs et artisans qui étaient déjà là au 24, mais ça, il y en a pas mal aussi qui changent. Hein. Histoire qu'on voit pas toujours les mêmes non plus. Okay, mais voilà, il y en a quelques-uns qui seront encore là, qui ont choisi de venir aux deux. Parce que c'est vrai que pas mal d'artisans et de producteurs ont beaucoup de marchés qui ont été annulés. Donc, bon. Voilà, c'est vrai que quand on a deux dates qui tombent d'un coup, il y en a, ils se disent, bon, ben, c'est bien. Et ils ont raison. Donc voilà, comme ça, si en plus vous loupez le marché du 24, vous pourrez toujours venir le 14. Le vendredi 14. Il y aura toujours l'assiette barbecue. Donc bien sûr, les salades et la viande vont varier hein, selon les guinguettes. Ça ne sera pas toujours la même assiette qu'on vous proposera. Mmh. Dans l'après-midi, il y aura une conférence sur l'agriculture durable. Flo, oui, je pense que ça sera à l'heure de l'apéro, vers 18h. D'accord, donc 18h, conférence sur l'agriculture durable. Donc avec Thierry. Avec Thierry de la Confédération Paysanne. Ah bah super. Et le soir, il y aura un concert de Capidji. Donc Flo, je te laisse nous faire découvrir Capidji. Capidji, c'est un groupe... Ben moi, je voulais revenir sur la programmation musicale qu'on va proposer aux guinguettes. En fait, on s'est adapté, on a un peu modifié notre programmation. Et les guinguettes de cet été, c'est surtout des artistes locaux. Parce qu'il y a encore plein de restrictions, de gens qui ne peuvent pas bouger, d'étrangers qui ne peuvent pas venir. Pour, par exemple, Molo Sayed, ils auraient pu qu'on a annulé avril. En avril, on aurait pu les mettre sur les guinguettes d'été, mais du coup, j'ai préféré jouer sur le local. Donc, les trois groupes qui viennent, ils sont locaux. Il y a Mumu qui vient de... Muriel d'ailleurs, qui vient de Rochesson. Il y a La Pêche qui vient de Besançon. Et il y a Capedje qui vient d'Épinal. Du coup, Capedje, c'est un duo. C'est un frère et une sœur. Guitare, voix, et c'est magnifique à découvrir. Ok. Oui, puis en plus, c'est bien aussi de faire jouer les artistes locaux parce que comme tous les artistes en ce moment, ils galèrent, ils ont besoin d'argent et tant qu'à faire, autant donner des sous à ceux qui sont à côté de chez nous. Bah oui. Au moins, on a des défraiements aussi en moins et autres. Et ben voilà, pour ces trois guinguettes. On est pas mal. Et après les guinguettes, alors, cet automne ? Après les guinguettes, on va, comme d'habitude, faire temps de pause et le nouvel an. Alors, temps de pause, là, du coup... C'est le grand remaniement. C'est la grande question. Est-ce que ça va être cette date, le 17, que nous avions choisi, ou un peu avant, ou un peu après ? C'est, voilà, question. Non, c'est pour continuer sur la programmation. En fait, on va essayer de sauvegarder les artistes qu'on avait décidé de faire passer cette année. Donc, dans l'idée, Molo Sayed et La Base, ils viendraient jouer en octobre. D'accord. Mais rien n'est défini sur la date encore et comment ça va se passer... Donc, la programmation à suivre dans les temps à venir. Bon, nouvel an, par contre, c'est sûr que ça sera le 31. Oui. En principe, ça bouge pas. Et oui, on était parti sur un thème russe ou pays de l'Est, quelque chose comme ça, un peu soirée balkanique. Donc, préparez déjà vos déguisements et puis on trouvera les groupes. Et réservez votre nouvel an pour le faire à Rochesson. C'est ça. Parce que les places sont très limitées. Voilà. Eh ben, c'est super. Voilà. Mounir, qu'est-ce que t'en penses ? Eh ben, je suis vraiment... j'ai hâte de participer à cet événement. Et la bonne humeur sera de la partie. Et je vous invite tous à venir et festoyer avec nous. Ça va faire plaisir de retrouver de la convivialité. Oui. La convivialité, de la musique à apprécier en live. Parce que bon, les concerts sur Facebook sont sympas, mais c'est pas la même chose quand même. Ah non, et c'est moins convivial. Là. On peut passer à nos petites découvertes musicales. Qu'est-ce que vous allons-y. En dites ? Allons-y. Je suis parti. Eh ben donc c'est moi qui commence. Eh ben aujourd'hui, je vais vous faire découvrir ou redécouvrir le ska. Le ska est né à la fin des années 50 en Jamaïque. Il puise son inspiration du rhythm and blues et du jazz noir américain, ainsi que du calypso, du mento et du merengue, les musiques traditionnelles du coin. Le ska représente l'espoir des jeunes Jamaïcains des ghettos de Kingston qui, voulant imiter les stars afro-américaines du jazz, se mirent à jouer tous les soirs dans les parcs de Kingston. Et en fait, ils ont reproduit à leur manière un rhythm and blues inévitablement mêlé de calypso, de mento et de merengue, créant le ska. Voilà. Cuivre, contrebasse, clavier et guitare enflamment toutes les pistes des sound systems de Jamaïque. À savoir que les sound systems, en fait, ce sont des discothèques ambulantes. Donc en Jamaïque, dans les années 50, il y avait des gens qui se déplaçaient avec les enceintes et qui faisaient danser les gens dans les villages. Et ce sont les sound systems. Ah. Donc le ska, dès qu'il est arrivé, il a enflammé toutes les pistes de sound systems. Ça a été génial. Ça a détonné. Et à noter également que le ska se fait une place au Royaume-Uni dans les années 70. La Jamaïque a été colonisée par le Royaume-Uni. Et donc le ska s'est fait une place là-bas dans les années 70. Et son fameux symbole, le damier blanc et noir. En fait, le ska est souvent représenté par un damier blanc et noir. Et ce damier représente l'unité des populations noires et blanches. Donc c'est un symbole très fort, sachant que la Jamaïque a été colonisée par les Royaumes-Unis. Tu avais des groupes de blancs et de noirs ensemble pour jouer du ska. Et ça a été très appréciable par certaines personnes et très contestable par d'autres. Hein. Donc, pour vous faire découvrir ou redécouvrir intéressant. Je vous propose un groupe français, les Jim Murple Memorial, et ensuite un groupe belge, Super Ska, qui a fait d'ailleurs une collaboration avec Muriel d'ailleurs. D'accord. Dont je reparlerai le mois prochain. Mmh. Et bien, c'est parti pour la première découverte de Ska avec un groupe français qui a plus de 20 ans, les Jim Murple Memorial, avec C'est pas sérieux. Attention, ça charge. C'est bientôt. Et c'est parti. Attention, dans 3. C'est pas sérieux, mon amour. De s'embrasser comme ça dans la rue, n'importe où. C'est pas sérieux, mais c'est bon, mon amour. Quand ta bouche affamée se promène sur mon cou. Et moi, je suis timide. Je me sens solide. Depuis que tu m'aimes, comment le cacher sans tricher ce grand bonheur qu'on affiche sans pudeur. C'est pas sérieux, mon amour. De s'embrasser comme ça dans la rue qui nous voit avec ses yeux trop curieux tout autour. Alors viens donc chez moi, viens chez moi. Quatre jours que nous n'avons pas mis le nez. C'était les Jim Murple Memorial, donc avec leur musique emprunt des influences caraïbéennes, donc de calypso, de merengue et de mento. C'est super ensoleillé. Et maintenant, je vais vous proposer de découvrir un groupe belge, un big band belge, Super Ska. Donc Super Ska, et ben pareil, c'est du ska, c'est du rocksteady, c'est un petit peu de calypso. On va l'entendre là d'ailleurs, on entendra ce petit rythme qui est bien propre au calypso, assez rapide. C'est parti pour Super Ska avec Léonie Evans, une jeune chanteuse belge bien prometteuse. C'est parti avec Waiting No More. I'm coming on Monday. I heard that before. I'm warning on Tuesday, I'm shutting the door. She's showing up Wednesday, I'll wait on the floor. I gave her one more chance to come. She turned me down and left me alone. She's busy on Thursday, I knew that before. I'm working on Friday, at just around four. She's free on Saturday, her notice I tore. We'll meet on Sunday, that's not a promise. I can't wait for you anymore. Tried, it's not my fault. I keep saying I'm not waiting no more. C'était Super Ska avec Léonie Evans. Eh bien voilà, ma présentation du Ska est terminée pour aujourd'hui. On va passer à Mounir. Oui, alors je suis vraiment ravi d'être là, je suis vraiment content. Ça me fait plaisir et j'espère que ça vous fera plaisir. Alors du coup, moi je vais vous présenter mon petit coup de cœur du moment. Ça s'appelle Natty Roots, ça vient du Brésil. Et c'est un groupe de reggae avec des racines latines. Et quoi dire de plus? C'est trop cool. Et ça s'appelle Natty Roots. La musique, c'est Dentro da Musica. Bonne écoute. Yeah, man. J'aimerais rajouter quelque chose. Tu sais que le ska, c'est le père du reggae. Ah non, en fait, le ska, c'est son grand-père. Exactement. Le ska, c'est le grand-père du reggae parce qu'entre le ska et le reggae, il y a eu le rocksteady. C'est cool, on reste dans la continuité jamaïcaine. Il n'y a pas d'hasard. Bonne écoute. Ils sont vraiment trop forts. C'est parti avec Young Blood Brass Band. Brooklyn. Ah non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est Natty Roots. Eh ben, heureusement que je demande. Hein. Allez, c'est parti. Et il l'a dit deux fois. Même. Deux fois. Vivas, quando se acredita, a gente pode ter tudo livre. Carregue sua fé no sol que está em seu peito. Força, libere esse sorriso e vá dançar do seu jeito. Porque se a lua vai brilhar, e o vento vai soprar, e a chuva vai chover, quem vai amar você? Não vá se preocupar, deixa o destino agir. E o corpo vai sentir cometas e estrelas descendo aqui. Dentro da música. Dentro da música. Dentro da música. Enfrento qualquer parada com você. Mas em busca do caminho. Todo mundo um dia vai sofrer. E nosso coração também vai sentir dor. Mas no final, tudo vai resolver. Como o sol se põe, a lua nasce. E a noite vai brilhar sua luz por todo lugar e nos sonhos da gente. Então, vamos sorrir. Todo lugar e nos sonhos a gente dá. Tá. C'était Nati Roots. Avec le S. Nati Roots, voilà. Yes. Mounir, tu nous présentes ton deuxième groupe ? Ben, pourquoi pas. Du coup, ça s'appelle, comme tu l'as dit tout à l'heure, Nanou, Youngblood Brass Band. Oui, et pas Nati Roots. Et ça vient des États-Unis, et c'est une petite fanfare que j'apprécie particulièrement. Et le nom de la musique s'appelle Brooklyn. Bonne écoute. C'est parti ? C'est parti. We'll be right back. C'était Youngblood, Brass Band. Avec Brooklyn. C'est ça, musique Brooklyn. Voilà, j'ai pas grand chose à dire sur ce groupe. J'ai vraiment pas beaucoup bossé comme notre cher collègue. Et du coup, voilà, j'ai un autre groupe à proposer. Voilà, du coup, te rattrapes. Voilà, je me rattrape. Avec une troisième chanson. Voilà, et je vais proposer une nouvelle musique, voilà, qui me rappelle un peu mon adolescence. Voilà, allez, vas-y. Wow. C'est un groupe français qui s'appelle Empanada. Et en fait, c'est un groupe avec deux membres du groupe, du fameux groupe Trio. Manu et Gizmo. Et en fait, c'est un groupe qui est assez intéressant dans le sens où il est multiculturel. Ça peut partir autant du rap que la musique africaine, que le reggae. Du coup, je vous laisse écouter. Ça s'appelle Empanada et la musique, c'est Via Vaisseau. Belle écoute. Eh bien, découvrons alors. Découvrons. Allons-y. Sac à bouger, man, sac à voyager. Mes journées, un musique man. Je trace mes steps sur mes ailes vers un lac en Afrique, un nouvel archipel. Je vais partir où bon me semble et tous viennent chez moi. 10 sacs dans un scud, le monde est à moi. Et 11 vaisseaux, tous à bord du vaisseau. On prend tous des clips et des offres, des scuds pour la solo. Pas besoin de visa pour s'arracher le repas. T'aimes la salsa? Vamos a comer. Si yo me voy con la música, no tengo la plata ni para viajar ni para la comida, pero para bailar no se necesita comprar. No se necesita comprar. Hola, vámonos. Comme les baleines et les piafs, je trace mes scuds sur mes ailes vers la camp l'Afrique. Un nouvel archipel, je vais partout où bon me semble et tous viennent chez moi. 10 sacs dans un scud, le monde est à moi. Et 11 vaisseaux, tous à bord du vaisseau. On prend tous des clopes et des œufs, des scuds pour la sono. Pas besoin de visa pour s'arracher le ripa. Pronta conja! Jamonica! Well, well, well, well, well, well, la moto de Jamaica. Un Jamaïcain, il faut de la weed et trois notes de musique. Dans les bons vieux vinyles de Kingstonville seront là pour te faire visiter l'île. Pour partir, un Jamaïcain, il faut de la weed et trois notes de musique. Dans les bons vieux vinyles de Kingstonville seront là pour te faire visiter l'île. Sac à bouger, man, sac à voyager. Mes journées en musique, man, en musique, en musique, en musique, en musique. Voyager toutes mes journées en musique, man, en musique, en musique, en musique. À bord du vaisseau, on prend tous des clubs, des yeux, des scuds pour la sono. Pas besoin de visa pour s'arracher le ripart. C'est pas trop où on va, restez pas planté là. Et 11 vaisseaux, tous à bord du vaisseau, on prend tous des clubs, des yeux, des scuds pour la sono. Pas besoin de visa pour s'arracher le ripart. Écoute, écoute-moi ça! Go to Africa! J'colonise des notes, squat à chez toi. Un peu de fumée, un peu de fella et j'voyage de chez moi. Yeah. Mounir, un petit mot à rajouter ? Je suis toujours content d'être ici parmi vous. Sur tes musiques ? Sur tes découvertes ? Ça me fait plaisir, j'ai l'impression de rajeunir après avoir écouté cette chanson. Je me sens pousser les ailes. D'accord. Si tu veux bien, on va passer la parole à Camille, qui va, elle, maintenant Est-ce nous... Est-ce que tu es d'accord, Mounir ? Alors, Acceptes-tu de me passer la parole ? Juste une petite parenthèse. Parce qu'on voyait vraiment que tu étais heureux, Mounir, d'être au micro, donc je ne veux pas te brusquer. Je suis toujours heureux d'avoir le micro et de dire plein de bêtises. Je voudrais juste, en attendant, faire une petite dédicace aux chantiers roulottes Autoli. Voilà, aux petites travailleuses, aux petites soudeuses qui sont en train de travailler dur. Lilou et Jeanne et Paz. Ah, tu fais ça parce qu'elles nous écoutent ? Super. Exactement. C'est parti ? C'est parti ! Alors moi j'ai fait une petite playlist du coup de ce que j'écoute un peu en boucle en ce moment. Donc, De ton autisme musical. Ouais, c'est ça. Bah, moi, quand il y a un truc que j'aime bien, voilà, j'écoute jusqu'à ce que je me lasse un petit peu. Pareil. Et que je passe à autre chose. Du coup, là, en ce moment, j'écoute le nouvel album de Lolomis, puisqu'il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc voilà. Bah, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un groupe de 4 personnes. Donc, il y a une harpiste, un percussionniste, un flûtiste et une chanteuse, dont la chanteuse est originaire de Vanier, hein, donc dans le local. Et donc, eux, ils ont sorti un nouvel album qui s'appelle Red Sonja, que vous pouvez trouver sur Internet et puis, je sais... Sur toutes les plateformes en ligne. Voilà. Et donc, je vous invite à l'écouter parce que c'est vrai que ce nouvel album, il est vraiment bien construit, bien fait et il est, même encore mieux que les autres, quoi. Et donc, moi, j'ai choisi Lasna Lamitel, qui est une chanson... un peu avec des airs orientaux, mais c'est la langue étant finnois. Waouh! Voilà. Alors, je vous laisse écouter. Hein. Ce groupe est quand même super dur pour toutes les fusions des musiques traditionnelles. C'est impressionnant. Et on y voit que du feu, hein, parce que bon, la musique en elle-même, faut le savoir que c'est du finnois. Hein, mais bon. Donc, je vous laisse écouter Lasna Lamitel. Du nouvel album de Lolomis. Une fusion de finnois et de musique orientale. C'est parti. C'est parti. Voilà, ça c'était donc un extrait du nouvel album de Lolomis qui s'appelle Red Sanja. Et donc on passe au deuxième coup de cœur. Donc en ce moment c'est Daka Braka. C'est un groupe ukrainien. Donc ils sont quatre. Il y a trois femmes et un homme. Et donc eux, donc ils en sont déjà au septième album. Et en fait c'est un projet du Dak Center for Contemporary Art. Quel accent. Et du coup, bon, alors je sais pas exactement ce que ça veut dire DAC, et je crois que je ne saurais peut-être jamais, mais en tout cas, donc il y a ce projet-là, et il y a un autre projet avec, je crois, au moins une des femmes qui composent Daka Braka, qui fait partie du groupe DAC d'auteurs. Alors du coup, bon, ça vient sûrement de ce centre contemporain d'art. Et donc, eux... c'est de la musique entre le folk, le trad, enfin il y a vraiment plusieurs univers différents, c'est assez rythmé, il y a des musiques assez tranquilles aussi. Mais donc là moi j'ai sélectionné Monac, qui est une chanson plutôt rythmée, et donc voilà, je vous laisse découvrir cette chanson de Daka Braka. C'est parti avec Monac. C'est parti, allons-y. Із походи під морози, під негоди, чи жив він не змерз. Не знав монах, де подіться, зайшов у кабак, погріться, збросив свій мундір. Збросив мундір чи очки, порвав ряси на клочки, сам пішов плясати, сам пішов плясати. Наплясався, наігрався, з доброї волі розпрощався, скочив на крильцо, вдарив у кольцо. Садіться під монахонько, нарізиться зеленим лугом, зеленим лугом. Конь лугом, лугом, лугом, ходять дівчатки кругом. Дівки не знайшов, до вдови пішов. Цілував, милував, роздушею називав. Закричав ура, закричав ура. Ой, юра, юра, юра, сочинилася біда. Де не мала я, де не мала я. Stop. чи живі не змерз, чи живі не змерз. Не знамо на де ходіться, зашив у кабах поміці, просив свому дір, просив свому дір. Просив мені шишки, порвав ряси на клочки, сам пошов плясать, сам пошов плясать. Наплясався, наігрався, з доброї волі розпочався, скочив на крильцо, вдарив у кольцо. Монах на коні садиться під монахом, то я звідси зеленим лугом, зеленим лугом. Конлугом, лугом, лугом, ходять дівчин кругом, який не знає, що удобно випайшов. Цілував, милував, роздушей називав, закричав ура, закричав ура. Ой, ура, ура, ура, зачинилася біда, де не мала я, де не мала я. Кончилося. Voilà, donc c'était Dakabraka, donc la musique Monac. Donc je vous invite à écouter ce qu'ils font, c'est vraiment sympa. Hein. Il y a un petit peu des musiques autant super rythmées, tribales presque, et puis d'autres qui sont un peu plus comme celle-là, presque pop. Enfin, c'est vraiment un beau mélange. Et donc ensuite, le dernier extrait qu'on va écouter, ça s'appelle Folkneri, c'est toujours des Ukrainiens. Donc ils sont originaires de Kiev, ils sont deux. Donc il y a une femme et un homme. Et donc, en fait, eux, c'est plutôt... Donc, c'est dit de la global fusion. Donc, ouais, il y a un petit peu aussi tous les styles mélangés, mais c'est quand même pas mal... c'est quand même pas mal trad, mais avec des sons électro derrière. Et donc, la musique, là, qu'on va écouter, ça s'appelle Karchata. Et c'est un petit peu plus... Enfin, celle-là, elle fait vraiment musique de sorcière. Hein, mais j'aime beaucoup. Eh bien, découvrons voilà, alors. C'est parti. Thank you. буде гляне зелено, я їду. C'était Folkneri, la dernière découverte de Camille. Alors Camille, veux-tu rajouter quelque chose ou es-tu d'accord pour qu'on laisse la parole à Flo pour qu'il nous fasse découvrir Je suis d'accord Nanou, j'accède à ta requête. Parfait. Tu le veux ? Oui, je le veux. Oh, bah, moi, je voulais ajouter un petit détail par rapport au coup de cœur de Camille et puis notamment la chanson qu'elle vous a fait écouter du nouvel album de Lolomis. En fait, pendant le confinement, il y a eu un clip qui a été créé sur cette chanson. J'ai hésité à en parler. Où on danse le Madison à travers le monde et du coup, ils ont assemblé plein de petites images et vous aurez la chance de nous voir sur YouTube à partir du 10 juillet en train de danser. Trop donc cool. Voilà, guettez l'Asna la Minatel. Et Lolomis sur YouTube, et il y a un clip qui va sortir le 10 juillet et qui est génial. Et ce qu'on pourra faire, c'est qu'on pourra reprendre 5 minutes pour en reparler en juillet. On prendra 2-3 minutes, on reparlera du pourquoi clip. Pas, ouais. Pour parler de la grande sortie nationale. Et on pourra même peut-être le mettre sur notre page Facebook des Mondes l'Utopie. Oui. Pourquoi pas le partager pour nos auditeurs. Ouais, ouais. Du coup, Flo, t'es découverte. Donc, c'est à mon tour. Eh bien, voilà. Alors, moi, j'ai choisi 3 titres qui sont mes coups de cœur du moment, des artistes assez intéressants et très diversifiés qui ne se ressemblent pas les uns les autres. Donc, je vais commencer par Sage comme des Sauvages. Donc, Sage comme des Sauvages, ça fait une paire d'années que je les suis. Et là, ils ont sorti un premier album il y a 3 ans qui s'appelle L'Arc de la Peau. Et là, ils sortent un deuxième album qui est sorti pendant le confinement qui s'appelle Luxe Misère. Donc, c'est un album qui est entièrement enregistré à La Réunion avec la section rythmique de Daniel Waro. Et donc, je vais vous faire tout de suite découvrir Le Goût de la Fumée en collaboration avec Daniel Waro. Ça, c'est la grande classe. Donc, avec Daniel Waro. Et pour petite information, normalement, il devrait faire partie de la programmation dans les temps à venir de... Pas Daniel Waro, Sage comme des Sauvages, des Mondes de l'Utopie. Un jour peut-être voilà. Daniel Waro, sait-on jamais. Donc ils ont commencé à 2, maintenant ils sont 4 musiciens. Ah ouais, avec qui avec quel autre instrument du coup? Alors, un basson et une percussion, de la percussion latine, et avec des super zikos. J'ai déjà vu le basson, ouais, il assure. Le bassoniste, on dit? Non, quelqu'un c'est une femme. Du basson? C'est une femme, c'est une bassoniste, une ouais. Oui. D'accord. C'est parti? C'est parti. De lui donner le rhum est sans danger, le rhum. en danger. L'alcool est sans danger. Le rhum est sans danger. Le rhum est sans danger. L'alcool est sans danger. Ami, soigne ma peur et mon courage. La vie a mordu mon cœur et mon courage. Toi mon médicament, sois mon médicament. Répare mes sentiments. Toi mon médicament, sois mon médicament. Répare mes sentiments. À quoi avons-nous donc renoncé, pour nous croire si invulnérables? Invulnérable. Vois-tu mon visage te montrer, comme mon sourire me fait mal au fond. Ça vient dans les bosses, ça faut dalle. A où mon zaboutan, a où mon zaboutan. Mon pied doit sentir. A où mon zaboutan, a où mon zaboutan. Mon pied doit sentir. C'était le goût de la fumée de Sages comme des sauvages du nouvel album Luxe Misère à découvrir sur toutes les plateformes et bientôt en live sur les grandes scènes nationales. Et ils étaient accompagnés du grand Daniel Waro. Daniel Waro qui est une grande figure emblématique de La Réunion et surtout du Maloya. En fait, Daniel, il s'est battu pour la culture à La Réunion, pour réinstaurer le Maloya dans la tradition réunionnaise, et donc à découvrir aussi, c'est un grand artiste incroyable. Qui est au patrimoine mondial de... immatériel de l'UNESCO. Ouais, le Maloya, depuis peu. Donc mon deuxième coup de cœur, ça s'appelle Yele et le titre s'appelle Canou. Yele, c'est un trio unique et atypique, sans artifice, au groove implacable, musique au sang mêlé qui naît de la dérive des continents musicaux. C'est un mélange de chant, ngoni, calbas, tana, dij, flûte et guitare basse. Donc je vous laisse découvrir Canou. Et découvrons bien. Voilà, c'était Yele avec le titre Canou. Donc on arrive à mon dernier coup de cœur du moment, et mon dernier coup de cœur du moment, ça envoie du lourd. Donc ça s'appelle San Salvador, le titre c'est L'Alizeta. Donc pour les gens qui s'intéressent de découvrir San Salvador, je vous invite à regarder, il y a un live qui a été enregistré sur KPIX, qui est incroyable, donc hyper bien calé à découvrir. Donc San Salvador, c'est qui ? C'est une formation intégralement vocale, active depuis plusieurs années. Ils ont entrepris un travail de recherche artistique autour de la polyphonie et d'un folklore imaginaire essentiellement chanté en occitan. C'est 6 voix, 2 tomes, 12 mains et un tambourin. Donc voilà, je vous laisse découvrir San Salvador. C'est parti, hein, le temps que je clique sur l'ordinateur, hop. La lune l'a trompado, al pico delle sulla luna, la lune l'ha trompado, al pico delle sulla luna, la lune l'ha trompado, al pico delle sulla luna, la lune l'ha trompado, sur son sami, famo besare scontra, a rescontra, tre zone capitani, tre zone capitani, sur son sami, famo besare scontra. A rescontra tre zanne capitani, tre zanne capitani. Di zombo zora la liseta, la tombe la liseta. Di zombo zora la liseta, la tombe la liseta. Di zombo zora la liseta, la tombe la liseta. Di zombo zora la liseta, la tombe la liseta. Tombe a fu, me trovo capitani. Montalez-vous la tombe la liseta, la tombe la liseta, tombe à vous, mes trois beaux capitaines. Montalez-vous la tombe la liseta, la tombe la liseta. Même bon, mais va tout battre les gars, et des gars pas de mêler. Même bon, mais va tout battre les gars, et des gars. La tombe de Lisetta, on t'a révolué la tombe de Lisetta, on t'a révolué la tombe de Lisetta, on t'a révolué la tombe de Lisetta, on t'a révolué la tombe de Lisetta, on t'a révolué la tombe de Lisetta, on t'a révolué la tombe de Lisetta, on t'a révolué la tombe de Lisetta. Capitani, capita, capita, tre, tre zanne capitani. Capitani, capita, capita, tre zanne capitani. Capitani, capita, capita, tre, tre zanne capitani. Capitani, capita, capita, tre zanne capitani. Yeah. conduisez-nous la tombelle, Lisette. Segue me tu mosso, capitane. Due bel son paio di bessa alla Lisetta. Due bel son paio di bessa alla Lisetta. Non dovrebbe passare perché ti mena. Conducendo la tua bella Lisetta. Due bel son paio di bessa alla Lisetta. Due bel son paio di bessa alla Lisetta. Due bel son paio di bessa alla Lisetta. Non ti lascio fare mai di me. Trovo capitani. Non ti lascio fare mai di me. Trovo capitani. Me. Trovo capitani. Vous êtes toujours en direct de Radio Gémozo, de l'émission Les Oreilles du Monde qui touche maintenant à sa fin. Pour ma part, cette émission m'a totalement ravie. J'ai adoré toutes ces découvertes musicales et en particulier les tiennes, Flo. Hein. Vraiment, là, San Salvador... Incroyable. Incroyable. Magnifique. Mounir. Magnifique, je suis toujours heureux d'être là. Mounir, c'est un mec, il est heureux. C'est un style musical qu'on n'a pas l'habitude de voir, la polyphonie à plusieurs voix avec très peu d'instruments, et puis ils font toutes les instrus avec leurs mains, leurs pieds, et c'est cool. Et du coup, il y a d'autres groupes comme ça qui existent, Barout, enfin, je vous laisse découvrir des groupes polyphonie, des gros ensembles de polyphonie où ils sont 10 dedans, c'est assez incroyable. Avec de la percussion corporelle. Ouais, avec du rythme, parce que c'est vrai que moi, les polyphonies, souvent, c'est un petit peu mou, quoi, et c'est vrai que celui-là. Il y en a un autre de groupe qui fait de la polyphonie avec de la percussion corporelle, on en avait parlé. Barbatoukas. Voilà, Barbatoukas, qui est aussi pas mal. Qu'on a déjà passé dans les émissions précédentes. Voilà. Lors de nos ateliers avec Justine, qui faisait de la percussion corporelle, et qui va revenir pour la deuxième guinguette. Le 7 et 8 août. Voilà, du coup, on en profite pour redire les dates des guinguettes. Oui. Allons-y. On se donne rendez-vous. On se donne rendez-vous pour la première guinguette le 24 juillet. Le vendredi 24 juillet, à partir de 16h, pour un marché nocturne, repas, concert avec Muriel Dailleur. Ensuite, on a le 6 et 7. Non, bon, 7 et 8 août, si je donne pas les bonnes dates. Donc vendredi, samedi, avec donc des ateliers divers toute la journée en prix libre, des concerts le soir, repas, tout ça. Et l'assiette barbecue. Heure. Avec le groupe La Pêche, qui nous vient de San Francisco à Besançon. Et du coup, vraiment découvrir, c'est une belle pépite musicale, instrumentale de Balkanique. San Francisco ? Oui, ils ont créé le groupe à San Francisco. D'accord. Oui, oui, ils ont déjà fait des tournées un peu partout dans le monde, sur plusieurs continents. Oui, c'est un groupe à réputation internationale. Oui, oui, oui. C'est pas n'importe qui vient aux guinguettes des mondes d'Utopie. Non, c'est clair, attends. Et Mounir, la troisième guinguette, vendredi 14... Le vendredi 14... Août. Avec le groupe KPG. Eh ben, c'est super. Sur ce, on se dit au revoir. Au revoir. Merci à tout le monde. Merci à vous, les amis, d'être là pour l'émission Sous les oreilles du monde. Retrouvez les mondes de l'utopie sur son site internet lesmondesdelutopie.fr ou alors sur notre page Facebook pour avoir toutes les infos et détails de nos événements futurs. Et nous allons transmettre... la diffusion de cette émission sur notre page. Je ne sais pas si tu l'avais dit, Flo. Non, je ne l'ai pas dit. Eh ben voilà, comme d'hab. En podcast. Et puis moi, je voulais rajouter un petit truc. On est en train de créer un gros projet sur la commune de Rochesson. Et pour financer ce projet, cet été, vous aurez la chance de nous retrouver les mercredis midi pour venir déguster un super repas proposé par les Monts de l'Utopie devant le Biomonde à Gérardmer, ou alors le mercredi soir au marché bio à Xon rue Longemer. Donc on propose un restaurant éphémère à ces deux endroits tout l'été, juillet, août. Et on réfléchit samedi à d'autres dates dans la semaine ou pas, on va voir. Voilà, donc si vous avez envie que la camionnette, le food truck, les Monts de l'Utopie viennent se poser un midi devant chez vous et qui a une cinquantaine de repas, ou eh ben on est chaud. On est chaud. La petite annonce là. Ouais, super Flo. Merci à vous, bonne journée à tous. Au plaisir, on se voit la prochaine fois. Des bisous. On s'entend. Au revoir.